Unité 10. 1. 1. Où se situe votre ville? 2. Est-ce qu'il y a une rivière? 3. Combien d'habitants y a-t-il? 4. Quels sont les endroits les plus importants à visiter? 5. Est-ce qu'il y a de bons restaurants? 6. Pouvez-vous citer au moins un fait historique? 7. Quel est le climat? 8. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre ville?